L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Porque tú eres una freca. Estamos en fiesta, yo soy de la yeca. Dile a tu novio que no se meta. Metalo con los tigueres a cuarta. Tengo todo y tengo la vaca. Suelta la mano, las mujeres guapas. Si todas son bellas, son bellas, son bellas. Ven pa' la tarima, que el ritmo te llama. Y con el DJ. Son bellas, ven pa' la tarima, que el ritmo le... ben, la famille, à 17h05, on est heureux de vous retrouver. Puis je veux dire, j'ai du lourd aujourd'hui. Hein. Si vous êtes fan de cirque, forcément, la famille, c'est fan de cirque. Et puis on va donner plein de soleil aux enfants aujourd'hui. Alexis Grus sera notre invité aux alentours de 17h30, 18h. Voilà. Don Omar sur la Francielle. Belle fin d'après-midi, 17h11. La météo. La météo. La météo pour demain, eh bien mauvaise nouvelle, de la pluie, encore de la pluie, mais ça va perdurer tout au long de la semaine. Les températures sont fraîches au matin, 2 petits degrés, on dépassera pas les 8 et encore de la pluie. Voilà, là c'est toute la semaine, hein. J'ai regardé jusqu'à au moins dimanche, lundi. Hein. Du son qui arrive avec Kevin Kinvey, la vie du bon côté. Et on vous le dit, hein, il sera notre invité tout à l'heure aux alentours de 17h30, 18h, le maximum, parce qu'il est en spectacle en ce moment. Alexis Grus à Saint-Jean-de-Bray sera accompagné de Monsieur Louréal. Une surprise pour vous en direct sur Radio Arc-en-Ciel, la vie du bon côté, c'est le remix de Kevin Kinvey sur Radio Arc-en-Ciel. Everybody clap your hands, clap your hands. Everybody clap your hands, clap your hands. Everybody clap your hands, thank you. Everybody clap your hands, thank you. La vie du bon côté, c'est vrai qu'il faut la prendre du bon côté avec Kevin Kinvey, le remix de Big Ali. Ouais, Younes, il me dit, il y a quoi qui la passe là? Bah ouais, bah on est heureux de la passer en plus, on est fiers même. Radio Arc-en-Ciel, welcome à vous. Je vous le rappelle, hein, tout à l'heure, il sera notre invité vers 17h30, 18h. Alexis Grus dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel avec Monsieur Loyal. Oh là là, on aura peut-être des places à vous faire gagner, tiens, si vous êtes sages. Et puis du son, nouveauté, ça, on est les premiers à vous le jouer en exclusivité. Hey, go go. Hey, go go. Ça, c'est du très lourd. Ozuna, écoutez, c'est du lourd et c'est déjà sur Radio Arc-en-Ciel. Con él. back in the game. Gave her the game, but she still left me with the pain. I guess I need a girl again. Somebody I can marry, give the world again. Cause the sun don't shine forever. Unless it's bad boy, then you know that we ride forever. Necesito una niña, Ciroc o un piña. We in Puerto Rico, una mami latina, yeah. Ya se queda con el pro. El corillo su amiga le llegó. Yo sé que eres una de Ça c'est du latino caliente hein, pour vous réchauffer dans la voiture là si vous sortez du boulot. Bon, c'est une belle fin d'après-midi, un bon début de soirée pour ceux qui rentrent du taf là, 17h18. Heureux d'être là. Je vous le disais hein, dans une demi-heure, il sera mon invité en direct. C'est mon poteau là, Alexis Grus dans les studios de la radio. Ça fait un plaisir de le revoir. Et puis Monsieur Loyal aussi sera là. Alors c'est qui Monsieur Loyal? Et bien on vous en parle tout à l'heure en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Sobre mí y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. Como ves, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Lo que he visto de ti, mami, no es normal. Pero no te preocupes que soy anormal. Sé que tus amigas no les debemos gustar, pero hoy cuéntale parte por parte cómo tenemos sexo y te quito el estrés. Dale otra vez y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Pa-pa-pa-pa, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Nicky Yam sur la France, heureux de vous retrouver. J Balvin, ça fait du bien de vous réchauffer comme ça à 17h22 minutes. Dans 10 minutes, il est en direct, Alexis Grus avec Tian qui vient d'arriver. Eh ouais, Monsieur Loyal. On va parler justement de cette vie d'artiste. Ouais, ça va faire du bien de la retrouver. Alexis Grus dans les studios de la radio, c'est dans moins de 10 minutes. Tu m'as vu, je t'ai vu, mais quand est-ce qu'on se voit? Je t'observe bouger, tapis dans le noir. Je veux bien essayer à prendre quelques pas. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Ça se voit. Tu aimes te déhancher. Ouais, tu aimes danser. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Got you, got you. Baby, t'as le rythme dans la peau. Ton sourire ajoute ce qu'il faut. Franchement, c'est trop. Y'a des hommes à terre. faire sur ton chemin. Tu les ignores, attends-toi, t'es sans gêne. Sans sommation, t'envoie dans le coma. Et tes victimes se comptent par centaines. Pas la peine de tenter de m'assommer. Il ne faut jamais dire fontaine. Pour l'instant, je t'ai pas promis le sommet. Je t'ai juste proposé un cocktail. Et de Panama à Bécao. T'as les kata kameno kao. Doucement, doucement, juste au cao. Ce soir, je ne serai pas ton pao. Et de Panama à Bécao. T'as les kata kameno kao. Doucement, doucement, juste au cao. Ce soir, je ne serai pas ton pao. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser, ça se voit. Tu aimes te déhancher, ouais tu aimes danser. Got you, got you, got you, got you, got you, got you, got you, got you, got you, got you, got you, got you. Got you, got you, got you, got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, I got you. Baby, got you. Hey, tu danses et tu twerk en direct sur la concielle. Bienvenue sur la concielle. Vous êtes nombreux l'après-midi. Plus de 8000 à nous écouter. Et ça me fait vraiment plaisir. Orléans, Olivier, Saint-Jean-de-Bray. Et justement, Saint-Jean-de-Bray, il arrive dans moins de 3 minutes, on va dire, après Alex Ferrari. Alexis Cruz dans les studios. Il a accompagné Monsieur Loyal. Tiad aussi, qui vient d'intégrer l'équipe du cirque. On va faire un petit trio ensemble. Ouais. Soft, hein. Soft, soft, soft. On va parler un peu de sa vie, justement, dans quelques minutes. Cachou l'artiste sur la concielle et le Brésil qui arrive. Et Tia, tu connais bien le Brésil justement, du Brésil. On va parler de sa carrière aussi, Tia, tiens, un petit peu. Dans quelques minutes, nos invités, Alexis Grus et Tiada, dans les studios de la radio. Bienvenue à vous. La semaine dernière, on avait Olivier Carré, on avait Marraine Eslinguer. Et bien là, c'est au tour d'Alexis Grus et Tiada, en direct dans 3 minutes. Então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere, é Alex Ferrari fazendo bara bere. Então fazer assim ó, bara bara bara, bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere bere, bara bara bara, bere bere bere, é Alex Ferrari fazendo bara bere. Olha a concielle Alex Ferrari do Brasil, et là c'est pas le Brésil qui arrive mais c'est le cirque. Entrez les artistes. Et on s'y croirait hein. J'ai tout préparé. Bonjour Alexis Grus. Bonjour. C'est ton vrai nom, hein? Ah ben c'est le vrai, le vrai, le vrai. C'est le vrai, parce que les gens ils me disent, mais c'est le vrai qui vient. Je dis, bah oui, c'est le vrai, pourquoi? On n'a pas de fou ici, nous. Hein. Je vais saluer aussi Tiad qui est là. Bonjour Tiad. Salut Francky. Bon Tiad, toi t'es un habitué de la radio, hein, on ne te présente plus, ça fait des années que tu viens. Avant tu venais le matin, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, ouais, c'est plus agréable le soir. C'est mieux le soir, hein, pas besoin de se lever, au moins on peut dormir un petit peu, ou exactement. Pas. Il y en a qui dorment pas aussi. Hein. Alexis Grus, bah bienvenue sur Radio Franciel, on s'est pas vu depuis quelques années. j'étais venu chez toi sur notre radio concurrente. Je m'en souviens. J'avais fait un peu l'imbécile avec des tigres, entre guillemets. On avait bien rigolé. Ouais, d'ailleurs, il y avait un tigre qui m'avait pissé dessus, je crois. Ah bon? Je bien. Parce qu'ils pissent comme ça par derrière, je crois. Ah ouais, bah, ils sont vicieux. Ouais, ils sont vicieux. Hein. Ils m'avaient aspergé de produits, là. En tout cas, je suis heureux de te retrouver sur Radio Arc-en-Ciel aujourd'hui. Alexis Grus, on va parler du cirque de Saint-Jean-de-Bray, mais l'histoire de la famille Grus, c'est une grande histoire. Alors j'ai regardé l'histoire hier, ça remonte. Ouais. Alors toi, tu es qui au niveau du placement de la famille? Alors moi, si tu veux, je suis le petit-fils d'Alexis Grus senior. Ouais. Donc c'est le grand-père, en fait, c'est lui qui a créé la dynastie, on va dire. Mmh. Et voilà, et donc mon papa m'a appelé comme mon grand-père, et donc j'ai l'honneur et la grosse responsabilité d'avoir un prénom important dans le monde du spectacle et du cirque. Eh bien, nous, on est content de te recevoir aujourd'hui, en tout cas sur Radio Arc-en-Ciel. Alexis Grus à Saint-Jean-de-Bray, ça fait combien de temps? Moi, je me souviens, ça fait des années quand même, là. Eh bien, si tu veux, ça fait maintenant 11 ans. 11 ans qu'on est installé à Saint-Jean-de-Bray. Ouais. Alors pourquoi avoir choisi Saint-Jean-de-Bray? Eh bien, Saint-Jean-de-Bray, en fait. C'est quoi, c'est ta ville? Tu habites ici, non? Non, pas du tout. Moi, j'étais plutôt sur Paris. Ouais. C'est vraiment un concours de circonstances. Ouais. Il y avait déjà un cirque établi à Saint-Jean-de-Bray, une école qui existait. Ouais, et donc, en fait, on passait, mais moi, je suis passé comme ça pour faire coucou et voir un petit peu comment ça se passait là-bas. Et le jour où je suis passé, on m'apprend qu'ils recherchaient quelqu'un pour reprendre cette école de cirque. Alors, j'étais pas forcément parti pour ça. Tu savais pas où t'allais, hein? Ben non. Saint-Jean-de-Bray, c'est où? Attends. Voilà, je commençais tout juste à créer ma petite famille à moi. Ouais. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas essayer de se sédentariser, entre guillemets. Et puis voilà, donc on a dit oui. Belle aventure. Super belle aventure, parce qu'on a une évolution extraordinaire. Ah ouais, j'ai vu l'évolution, hein. J'ai vu du nouveau matériel, voilà. On en parlait justement. C'est un peu comme les, entre guillemets, les forains, non, le cirque. Ouais, c'est de famille en famille. On va dire que c'est très familial. Ouais, c'est comme les forains dans l'esprit, mais après on a quand même des métiers complètement différents. Bien sûr, le cirque, c'est vraiment un métier. Alors les forains aussi, hein, je dis pas que les forains, c'est pas un métier difficile, mais le cirque, c'est un métier où ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'entraînement. Ah oui. On va être plus proche, nous, des sportifs de haut niveau, parce que les carrières s'arrêtent très très tôt. Bah oui, comme les footballeurs. Et ouais, mais on gagne moins d'argent quand même. Ah ouais, ça c'est clair. mais voilà, donc c'est beaucoup beaucoup d'entraînement, beaucoup de sacrifices. Mais après, c'est une passion avant tout, et voilà, on est super heureux de donner du plaisir au public. Alors ton rôle, toi, dans le cirque, le directeur, c'est le directeur du cirque, on dit. Directeur du cirque. Et à côté, tu es sur, on dit quoi, sur scène ou sur le? On dit sur piste. Sur piste, voilà. Sur piste, mais c'est bien. On dit sur piste, mais moi, j'ai fait le choix. Maintenant, ça fait 6-7 ans d'arrêter vraiment de travailler en tant qu'artiste et de me consacrer à la production et au bon déroulement du spectacle. Ça doit être pas facile quand même, hein, de beaucoup de responsabilités. C'est un directeur artistique un peu, c'est ça? C'est ça, ouais, directeur, c'est producteur, directeur, enfin voilà, j'ai plusieurs casquettes, mais c'est, c'est, alors je prends autant de plaisir maintenant, mais par contre, c'est beaucoup de responsabilités. Alors quand t'étais sur piste à l'époque, tu faisais quoi? C'était quoi ton rôle? Alors, la spécialité de la famille, on est dresseur de chevaux de père en fils. D'accord. Moi, je l'ai fait très petit, mais je me suis vite écarté de cette voie-là. Et après, je suis parti plutôt dans l'art clownesque, dans l'acrobatie, les portées, enfin voilà, plus dans le on va dire dans le manuel. Dans le manuel. Tu es très manuel, toi. On va dire ça. Justement, tu parles d'animaux, on parle des chevaux, là. Il y a eu pas mal de polémiques sur les cirques avec les animaux. Moi, j'ai connu des tigres il y a 10 ans quasiment. On en est où avec Alexis Grus? Il y a toujours des animaux. On m'a dit que ça renouvelait tous les ans. Alors, le spectacle, il change tous les ans, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que maintenant, nous, on a beaucoup moins d'animaux qu'auparavant. Là, l'exemple du spectacle qu'on produit cette année, on a uniquement un numéro de perroquet, mais par contre, qui est formidable et magnifique. Qui fait participer le public, vraiment quelque chose de très joli, très avec beaucoup de poésie. Mais c'est vrai que tout ce qui est animaux sauvages et tout, c'est fini. Je vais pas dire c'est fini, parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien, mais c'est vrai qu'après nous on est là aussi pour faire plaisir au public. Et donc en fait on essaye un petit peu de prendre la température et de savoir ce que les gens ont envie parce que tu me dis cette année c'est les perroquets, etc., mais c'est vrai que dans la tête des gosses, dans les yeux des gosses, eux c'est les tigres, c'est les lions, c'est bien sûr, pour moi l'image quand j'étais gamin, 80, Moi, je voyais un tigre. Moi, un perroquet. C'est une génération, voilà, c'est ça, exactement. Mais après, il y a sûrement des superbes numéros avec les perroquets, justement. Ah, c'est très joli. Alors là, je. Faut faire gaffe avec les perroquets, ça parle beaucoup. Ça raconte pas trop de conneries, ça répète pas des choses. On pourra demander à Tiad. Justement, on va l'accueillir dans quelques minutes. En tout cas, une carrière phénoménale. Si tu devais changer, non, c'est pas possible dans ton métier, là. Tu peux pas dire, moi, je change aujourd'hui. Non, c'est impossible. Pour rien au monde. Rien au monde. C'est dur, hein. C'est ancré en toi. Ouais, c'est ancré, c'est une passion. Voilà, exactement. Moi, je suis un enfant de la balle, hein. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Et voilà, moi, je changerais pour rien au monde. Même si c'est un métier où on n'est pas forcément très riche, hein. C'est pas un métier où. Bah, les gens, ils pensent que les gens qui gagnent leur vie, etc. Bah, on essaye. Ouais, mais c'est du boulot derrière. On va pas se plaindre. Il y a toujours des gens plus malheureux. Ouais, mais voilà, après. On est très content et voilà, moi je changerai pour rien au monde. Pour rien au monde. Qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui au cirque avec Sigrus du spectacle, bien sûr, à volonté. Il y a quoi je sais pas, cette année on a beaucoup de choses. Alors cette année c'est un petit peu spécifique, c'est parce qu'on a voulu y mettre un petit peu du show un peu à l'américaine. Ah, ils aiment bien là, les cirques, les shows à l'américaine. Voilà, donc on a des numéros forcément, donc des trapézistes. Ouais. Des acrobates, des clowns forcément. Ah, les clowns, bah oui, pour les gosses, bien sûr. Forcément. Mais on a incorporé aussi dans ce spectacle des ballets de danse. Donc on a un super ballet de danse et puis du chant. On a un chanteur extraordinaire qui nous fait. Là, il est à côté. Voilà, il est à côté. C'est pour ça que je dis qu'il est extraordinaire. Ça va, il doit être bien payé, moi. Non. On parlera pas salaire. C'est un atout au spectacle. Ouais. C'est un plus. C'est une nouveauté, oui, c'est une nouveauté parce qu'on ne l'avait jamais fait. Et on a que des bons retours. Que des bons retours. Et bien justement, on l'accueille Tiad dans les studios de la radio. Bonjour Tiad. Salut Francky. Bonjour, tu vas bien Tiad? Ben ça va super. Ouais, toujours une belle voix. Hein, ça grave. Fait toujours plaisir de venir ici. Bah nous on se marre bien. Hein. Ouais. Alors tu vois, je disais à Alexis tout à l'heure en antenne, il y a eu Monsieur Carré qui est venu à votre place la semaine dernière. Il y a eu Marie Lagué, la maire de Fleury. Ouais. Parce que c'est les municipales. Donc ils viennent vendre à mort. Et puis j'accueille tous les maires de toutes les régions en ce moment. Donc je suis heureux parce que là je parle politique. Je suis pas habitué à faire de la politique, mais bon, là j'ai pas le choix en ce moment. En tout cas, Tiad, heureux. Alors, chanteur à la base, Tiad, auteur-compositeur, si je ne me trompe pas, plein de choses, une belle carrière. On s'est connus il y a très, très, très, très longtemps. On va dire ça fait longtemps aussi, maintenant. Quelques années, Tu es un habitué de la radio arc-en-ciel, tu viens régulièrement. À l'époque, tu venais le matin, maintenant, tu viens l'après-midi. Voilà. Tiad, Monsieur Loyal. C'est le nom qui est dit sur le cirque Grus. C'est quoi, Monsieur Loyal, Tiad? Alors, Monsieur Loyal, c'était à la base le présentateur des clowns. Et en fait, bon, après, ça s'est généralisé comme le présentateur du spectacle. En fait, moi je présente, ou plutôt je désannonce, on va dire, les artistes après leur prestation. Ah, c'est comme en radio, quand il y a un titre qui est fini, tu dis c'est la fin du titre, et là tu dis c'est la fin du spectacle, il y a ça et ça. C'est la fin du numéro, voilà, et je désannonce chaque passage d'artiste. Alors, je regardais un peu ta tenue, elle est extraordinaire, les bottes en cuir, le pantalon blanc, le. Sur mesure, s'il te plaît. C'est l'équipe d'Alexis qui m'ont fait sur mesure. Alexis, cette tenue, elle est depuis toutes les générations. C'est la tenue officielle, classique, on va dire, du Monsieur Loyal. Ouais. Bottes, pantalon, brandebourg assez long, et puis chapeau haute forme. Voilà. En tout cas, beau personnage. Tiad, qu'est-ce qui t'a donné l'envie aujourd'hui, Tiad, parce que toi, chanteur, auteur-compositeur, de rejoindre l'équipe Alexis Grus? Eh bien, on s'est rencontré avec Alexis sur une présentation de convention, et puis Alexis m'a dit, moi je recherche un chanteur, et je lui ai dit, ça tombe bien, j'habite à 200 mètres. Ah, t'habites à Saint-Jean en plus? Ah, j'habite à Saint-Jean-de-Bray aussi, tu peux dormir au 7 si tu veux. C'est ça. Et puis on s'est recontacté cet été, et on est parti sur l'idée, effectivement que je vienne chanter, mais pas que, parce que j'accompagne des tableaux de cirque aussi, parce que pour moi, venir chanter, comme pour Alexis, on avait la même philosophie. Juste chanter, c'est pas une salle de spectacle. C'est-à-dire qu'il y a un show derrière. Il y a plein de choses. C'est-à-dire que tu viens pas sur scène pour faire une chanson, tout le monde t'en regarde. Là, il y a toute une panoplie derrière qui vient. Pas du tout. Et puis c'est vrai que autant pour Alexis que pour moi, c'était vraiment un vrai challenge, parce que moi, n'ayant jamais côtoyé le milieu du cirque et lui, le milieu de la chanson. C'est une bonne alchimie aujourd'hui, ça, Alexis? Ouais, tout à fait, ouais. C'était pas prévu au programme, on va dire. En fait, c'est quelque chose que j'avais dans le coin de la tête depuis longtemps. Il est malin. Et cette année, c'est en rencontrant Tiad que je me suis dit, il faut qu'on lance le truc et qu'on essaye de voir ce que ça donne. Mais on n'avait aucune garantie, c'est un test. Voilà. Mais comme on dit, qui le tente rien n'a rien. Exactement. Et il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas. Voilà, c'est ça. Moi, je suis à l'ancienne, hein. Tiad, est-ce que c'est facile aujourd'hui, le public, justement, du cirque, ce que tu disais par rapport au public que t'as connu avant, ou que tu connais toujours d'ailleurs? d'ailleurs. Hein. Le public, c'est pas le même. Là, il y a beaucoup plus d'enfants. Alors, comme je dis, c'est vraiment, il y a du tout public et puis il y a les spectacles aussi plus pour les écoles et les enfants. Ouais. C'est complètement différent de la scène, d'une scène normale pour un chanteur. Bien sûr. Ouais. Déjà parce que la piste est ronde. Donc, on l'appréhende pas de la même manière. La présentation aussi, c'est quelque chose que je suis très fier, en fait, moi, d'être conseillé par Alexis parce que quand il m'a dit qu'il est venu me voir en me disant ouais j'aimerais bien que tu viennes travailler au cirque, quelque part c'est une fierté et en même temps on se dit moi je suis fier aussi hein, il m'appelle je suis pas gentil moi mais et on se dit un nouveau challenge donc à 40 ans j'apprends des choses et je découvre des choses et c'est formidable, je m'éclate. Il y a toujours à apprendre, justement la première de Monsieur Loyal quand t'as fait la première. Cette grande piste, le stress, il était là forcément. Ah oui, tu te disais quoi? Faut pas, je me plante quoi. Hein. La première, tu y vas avec toutes les erreurs que tu dois faire de toute façon parce que c'est une première et puis que les premières, on le sait, ne sont jamais parfaites. Donc tu y vas et puis après, ce qui est fort agréable avec Alexis et même avec l'équipe des artistes, c'est de pouvoir discuter. Et Alexis me donne de très bons conseils et on discute et dans ces cas-là il n'y a pas de question d'ego ou de pas d'ego. Ouais bien sûr, il faut pas d'ego, je découvre un milieu que je ne connais pas parce que si t'as de l'ego il te file au tigre après j'ai pas trop envie ça se passe comme ça là-haut, je rigole bien sûr. Alexis, voilà. C'était une belle rencontre. Alors les retours sont comment? On te dit oh c'est super machin, je sais pas moi, les gens ils apprécient vraiment parce que c'est vraiment une nouveauté par rapport à ce qu'on présentait avant. Et voilà, mais moi, si tu veux, j'étais très confiant déjà. Je savais que ça allait fonctionner, même si j'avais pas de garantie. Mais voilà, je suis très content et c'est qu'un début parce que c'est la première année. Moi, je veux dans le futur pousser encore un peu plus et vraiment l'intégrer encore plus dans notre spectacle avec du chant, de la présentation. Moi, j'ai même envie d'incorporer dans le futur de l'orchestre live. Enfin voilà. Ouais, carrément. On change un peu de catégorie là. Ah oui, Mais c'est bien aussi. Il faut évoluer. Oui, puis parce que tout évolue dans la vie. De l'ambition. Et tu vas certainement donner l'envie à d'autres cirques peut-être de la famille Grusse de faire justement un Monsieur Loyal qui chante sur scène. Ouais, alors après sur la piste, pardon. On a chacun nos styles et nos envies différentes. Mais après les autres cirques de la famille, on est trois cirques existants. Ouais. Ils ont déjà pas mal de choses sur Paris et même dans toute la France. Voilà, ils ont pas mal de choses. Ils proposent déjà beaucoup de choses, donc là-dessus, moi, je. Ils vont peut-être te copier. On se copie pas dans la famille, mais ils font déjà des choses extraordinaires. Donc, on a tous un petit peu notre patte et notre façon de travailler, mais bon, moi, je vois dans le futur quelque chose d'encore plus grand. Je compte vraiment sur toi, Tiad. Tiad, justement, il compte sur toi. Tiad, il réfléchit, là. Il dit, attends, ce week-end, justement, tu en donnes plein la vue aux enfants, Tiad. Je sais pas si j'en donne plein la vue, mais en tout cas, le fait que moi je m'amuse, les enfants s'amusent aussi quoi. Enfin le but c'est ça, c'est comme par rapport à ça, c'est de la même manière quand je suis sur un spectacle sur scène, c'est-à-dire que si je me fais plaisir et que je suis bien et que je m'éclate, les gens forcément, le public va réagir de la même manière. Ça c'est valable dans tous les spectacles, on va dire. Tous les spectacles. Là c'est Noël en ce moment, on va arriver à Noël. Bah donc grosse programmation pour le cirque Alexis, que tu peux répondre en direct. Nous c'est à l'ancienne ici. Grosse programmation, qu'est-ce qui se passe là justement pour... J'ai vu des photos, c'est magnifique. On parle de l'évolution avant du cirque. Alors là, vous êtes modernisé. Ben, en fait, on a bougé de place. On a changé de côté de rue. On est dans le même endroit. On est toujours dans la rue du Petit Bois. Ouais. Sauf qu'on est de l'autre côté de la route. Ouais. Donc plus grand espace. La ville en fait nous a préparé en fait un espace assez grand. Et nous, on en a profité pour renouveler toutes nos structures. Ouais. Donc là, maintenant, on a une surface. Total, belle surface. Ouais, qui doit avoisiner les 2000 mètres carrés. Ah oui, donc parce que j'ai vu des belles structures, des beaux éclairages. Tout est neuf, alors c'est magnifique. J'ai l'impression que c'est un show, quoi, là, maintenant. En fait, moi, c'est ce que je dis, c'est qu'on apporte maintenant pour le public de la région une qualité de spectacle qu'on peut retrouver sur Paris, par exemple. Voilà, donc, c'est ça. Voilà, donc les gens maintenant. C'est le cirque de campagne dans le temps. Oui, là, les gens, c'est ce qu'ils m'ont dit, sur le dernier spectacle. C'est que on est étonné de voir un spectacle comme ça ici à Orléans. Voilà, donc moi je suis très fier quand les gens me disent ça, c'est que on réussit notre pari en fait de vouloir faire quelque chose. Du spectacle, c'est ce que tu dis. Alors qu'est-ce qui se passe pour Noël, alors, Alexis? C'est un spectacle de cirque traditionnel avec des numéros divers, hein, des jongleurs, des clowns, trapézistes et tout. Mais on a aussi le Père Noël qui vient à chaque fois à la fin du spectacle faire un coucou aux enfants. Donc ça c'est obligatoire. C'est super important. Et puis après on a ce qu'on appelle nous les après-shows, c'est-à-dire qu'on a du fait d'avoir plusieurs salles, on a des salles qui sont dédiées aux cocktails dînatoires, des choses comme ça. Et donc les gens en fait vont pas seulement venir voir un spectacle. Après le spectacle, en fait, il y a une rencontre avec les artistes. Ouais. On prend une photo, on boit un coup avec eux. Enfin, c'est tout un accompagnement. C'est un accompagnement. Il n'y a pas que le spectacle, on s'en va, c'est terminé. Exactement. Ouais, on rencontre les artistes et tout, on peut leur parler. Alors, on a pas mal de nationalités, on en a plus d'une dizaine différentes. Mais les gens adorent ça, en fait, et viennent échanger justement avec tous ces artistes. Ils adorent. Les dates, alors, c'est quand le cirque est ouvert de quand à quand? Alors, c'est les dates, spectacles, c'est du 23 décembre jusqu'au 5 janvier. Donc, c'est des spectacles pratiquement tous les jours. Ouais. On a la plupart des horaires, c'est 16h, mais on a quelques représentations à 19h. Donc ça, sur le site internet du cirque, on peut retrouver tout ça. Et donc, c'est pendant cette période-là où on peut venir voir ce formidable spectacle. J'ai reçu un message, il y a Nadia qui me dit, justement, là, sur l'internet, elle me dit, ça donne envie d'y aller. Eh bien, avec plaisir. ça donne vraiment avec envie plaisir. D'y aller, voir Tillad, Monsieur Loyal, voir... ça vaut le coup. Toute la troupe. On voit ça parce qu'il est à côté de moi. Mais moi, je voulais prendre la place, mais c'est mort. Hein. Moi, je sais pas chanter. On va parler de l'école, si tu veux. Ouais, l'école de cirque, parce qu'il y a une école de cirque qui existe depuis longtemps aussi. Eh bien, depuis 11 ans, nous, on l'a repris. Et c'est pareil, une évolution extraordinaire, parce qu'on est arrivé, il y avait, je crois qu'on était entre 70 et 80 élèves, bon, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup déjà. Là, on a un peu plus de 300 maintenant. Ah ouais? Ah oui, non, développé. Ouais, ouais. Ça s'est développé. Donc là, on doit être autour de 300 élèves. Donc c'est des enfants. Et... Alors, quand je dis enfants, c'est de 3 ans jusqu'aux adultes, parce qu'on a aussi des adultes qui viennent pratiquer. Donc ça démarre à 3 ans. À partir de 3 ans, En dessous de 3 ans, oui, ça fait un peu jeune. Ouais, ça fait jeune, hein, voilà. Le landau et tout. c'est ça. Mais 3 ans, c'est déjà pas mal. Et donc, voilà, les enfants viennent, ils s'éclatent, ils font tout ce qu'ils voient dans nos spectacles. Hein. L'aérien, on a une salle qui est dédiée à l'école de cirque. Qui est juste pour ça. Juste pour ça. Il y a des agrès. Il y a des trapèzes, des tissus, des cerceaux, des boules d'équilibre, des fils pour faire du funambule, tout ce qu'il faut. Mais 300 élèves, il faut des. C'est quoi? C'est des professeurs, des profs? Des profs, ouais. Ils sont profs. Sur la scène, justement, sur la piste. Alors, exactement. Ouais. Il y en a qui participent au spectacle, j'en ai d'autres qui viennent juste en tant que professeur. Exactement. Et puis, alors, j'ai jamais les 300 en même temps. Heureusement, bien sûr, j'ai bien compris. Mais par contre, on a des semaines bien chargées parce que du coup, on a pas mal de cours. Mais voilà, ça se passe super bien, les enfants s'épanouissent. Et dans le spectacle, justement, parce que ça nous tient à cœur, on présente toujours en début du spectacle un petit tableau présenté par quelques élèves pour montrer en fait au public qu'est-ce qu'on fait au cirque et puis ça encourage aussi les élèves à s'entraîner pour faire une apparition dans et ce spectacle. Pourquoi pas devenir sur dans on a quelques-uns. Il y en a qui ont percé aujourd'hui. Ouais, quelques-uns. En 11 ans, je dois en avoir 3 ou 4 qui ont réussi à travailler dans des cabarets, dans d'autres spectacles de cirque. Enfin voilà, on est assez contents. On n'a pas cette vocation à transformer les enfants en artistes professionnels. Non, bien sûr. C'est une pratique loisir. Ouais. Mais on est toujours très contents quand il y en a quelques-uns qui percent et qui en font leur métier. En tout cas, c'est un beau métier, hein. Bah, mais ça en met plein les yeux parce que les enfants, en général, ils font du foot, du basket, etc. Mais c'est bien aussi, hein. J'aime bien le foot, le basket. Mais là, ça change carrément quand on peut faire un peu de jonglage, de trapèze, etc. Ah, bah, c'est sûr que ça on a la possibilité de proposer, plus d'une quinzaine de disciplines différentes dans l'activité. Donc c'est vrai que on se lasse jamais parce que, quand on a un peu marre de jongler, on peut aller faire du trapèze. Quand on en a marre de faire du trapèze, on peut aller faire de la boule d'équilibre. Enfin, c'est ça. Il y a plein de choses. En tout cas, une belle école de cirque qui est ouverte quand? Alors en fait, nous là pour la période des spectacles, elle est fermée parce que du coup, on a normal, spectacle. Boulot, ouais. Mais après, c'est de septembre à novembre et de janvier à juin. D'accord, ok. Donc, on peut se renseigner sur le site. Sur le site aussi. Puis après, il y a les stages vacances. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc là, c'est pour des enfants qui ne sont pas forcément inscrits, mais qui veulent faire une petite séance de jonglage, de trapèze, etc. On leur apprend plein de choses. Tillad, alors l'avenir, on le voit comment? Parce que là, nouvelle évolution, nouveau challenge. T'as laissé un peu la chanson de côté pour le cirque? Ou alors tu t'es consacré vraiment au cirque? Non. Alors j'ai pas laissé la chanson de côté. J'ai des projets. J'ai des projets en cours, mais voilà, mon mois de décembre, on va dire, est consacré au cirque d'Alexis et d'Anargoul. Mais c'est vrai que dans la suite, peut-être des projets, oui, avec Alexis, parce que je commence à prendre goût à la piste en fait, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire, où je commence à faire mes marques, quelques petites marques, ouais. Déjà sur un trapèze. Donc, peut-être un jour, Tiane. Comment? Sur un trapèze un oui jour. Alors là je pense que on n'en est pas là encore, hein, si tu veux, mais c'est vrai que voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir, et de plus en plus au fur et à mesure, donc bah pourquoi pas, bonne chance. Voilà, peut-être que dans l'avenir, on va me voir de temps en temps au cirque. Ça va, tu t'es bien intégré à l'équipe, au trapéziste, etc. C'est des artistes, ouais, qui viennent du monde entier, donc. Tu parles anglais un petit peu, parce que. Quelques mots. Ouais, il faut. Voilà, on arrive à se comprendre. Mmh. C'est pas le souci, mais c'est vrai que c'est très très intéressant parce qu'on découvre déjà des artistes internationaux et puis des cultures complètement différentes. Ouais. Et c'est très très agréable, ça, ne serait-ce que culturellement de découvrir ça, voilà. Puis de découvrir au fur et à mesure l'histoire du cirque aussi, quoi. Ouais, l'histoire du cirque, une belle histoire. Mmh. En tout cas, une belle aventure aussi pour toi. Tout à fait. Et puis, une nouvelle aventure pour Alexis qui démarre sur les chapeaux de roue. Voilà, bah, en tout cas, je suis heureux de t'avoir reçu, Alexis, et puis Tiad, aujourd'hui, sur Radio Arc-en-Ciel. Merci pour l'invitation. Merci à vous, le cirque Alexis. Tout le monde me dit, oh, Alexis Grusse et tout. Parce que les enfants, ils en prennent plein les yeux, là, quand on parle d'Alexis Grusse. Bah oui, là, on a terminé deux spectacles, ouais, aujourd'hui. Les enfants, ils étaient heureux comme tout. Oui. On va faire le dernier mot avec toi, Tiad, après on passera avec Alexis. Un dernier mot pour toi, Tiad, aujourd'hui. T'as quoi comme souhait, ou qu'est-ce que l'avenir, tu le vois comment aujourd'hui? Ah bah l'avenir, moi je le vois avec du bonheur, avec voilà, il faut profiter de chaque instant. C'est, ouais, ce que je dis souvent quand je viens sur des radios, profiter de la vie, profiter de chaque instant, parce que malheureusement on ne sait jamais quand est la fin de l'histoire, c'est vrai. Et voilà, ouais, c'est donc vrai. faut s'amuser, profiter, se faire plaisir et faire plaisir aux comme autres. Comme dit Kinvé, prenons la vie du bon côté. Voilà mon poteau. Voilà. Alexis, je vais te laisser le mot de la fin. Je voulais juste te remercier d'avoir accepté notre invitation en direct sur Radio Arc-en-Ciel, le cirque. Merci à Alexis Grusse, franchement, ça. Moi aussi, hein, je suis un peu impressionné, ça, parce que tu vois, j'ai reçu des maires, etc. Mais là, voilà, ouais, je suis gentil. Fier, c'est gentil. Bah écoute, moi, je vais être dans la même optique que Tiad. Ouais. Ouais, beaucoup de bonheur aux gens. Surtout, bon là, je sais que c'est un peu compliqué en ce moment. Ouais, pas facile avec les grèves, les manifs. Pas facile, là, voilà, exactement. Ouais. Donc voilà, beaucoup de bonheur, la santé surtout. Et puis, c'est le plus important. Ça. Puis je vais dire la petite phrase que je dis à chaque fois à la fin de mon spectacle. Et que vive le cirque. Ah ouais. Et ben en tout cas, qu'ils vivent longtemps, très très longtemps. Alexis Grusse, merci d'avoir été notre invité. Tiad, merci d'être venu. Merci, Monsieur Loyal, que vous retrouvez à Saint-Jean-de-Braye, voilà. Et que moi, je vous souhaite plein de bonheur. Là, mettez du bonheur à tout le monde. Ben, c'est ce qui manque avec toutes les manifs en ce moment. Je vous l'ai pas dit, mais si vous voulez venir voir le spectacle, ben, on viendra, c'est quand vous voulez. Si tu nous invites, on viendra avec plaisir. Avec plaisir. Moi, je viendrai avec plaisir. Hein. Genre avec 200-300 personnes. Ouais, y a pas de problème. Merci Alexis Grusse. Merci Tiad. Merci. En direct sur l'Arc-en-Ciel, et bah oui, là vous en avez pris plein les yeux. 17h50, voici Alissa Kiss. Non, personne, personne. En tout cas, on a passé un superbe moment, Alexis Grus, dans les cieux de la radio arc-en-ciel, et ça nous a fait vraiment plaisir. On va vous retrouver avec du son calente et Damien Bassetto. Gosto de ti, I belong to you, you belong to me. Arde mais que chile e vou ficar bem louca, vou ficar tão cedo. Só com olhar nos entendemos. Quando o coração se enamora, dime, dime por quê, porque se descontrola. Quando o coração se enamora, ainda me um besito, a minha alma chora. Dá-me um besito. Gosto de ti, tu gostas de mim. I belong to you, you belong to me. Arde mais que chile e vou ficar bem louca, vou ficar bem cedo. Dá-me fuego. Pela noite dentro, dá-me um movimento. Diz-me não ouvido, mami, yo te necesito. Dá-me um besito, dá-me um besito. Damien Bassetto, 17h55 minutes en direct sur un apprentiel avec du son à l'ancienne. Bah oui, vous qui sortez du bureau là, je pense à Younes par exemple. Bah, c'est l'Alliance Ethnique, simple funky music. Vous corrigez votre attitude, il en était bien temps. Un élément déterminant, mais non, mais non. Mais non, mais non, non, non, mais non, mais non, non. Mais vous pensez, ah, oui, vous savez, oh. Mais peu importe, vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop, je vise le naturel, détruis l'artificiel. Ce point de vue, reste personnel. En d'autres termes, celui de qu'un point met le ciel. Dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité, mais vaut pire. La spontanéité reste mon propre point de mire. Pire, pire, ce dont la langue, dans notre activité, que de s'agiter dans le vent. Non. Si, oh, oui, c'est la même gelée. Non, ouais, non, non, non, non, même pas. Simple funky, simple funky. Simple funky, let's keep funky. Simple funky, simple funky, let's keep funky. Simple funky, simple funky. Simple funky, let's keep funky. Simple funky, simple funky, let's keep funky. Et je chute de bien haut en apprenant que sur nous circulent des propos compromettants. Compromettant, à partir du moment où, personnellement, je m'intéresse aux ragots d'enfants. Mis à part que dans ce cas, les enfants paraissent bien grands, grands. Pour ce genre, le mot est glorifiant. Chant, ils le sont la plupart du temps. Intelligents, ils le seront quand ils cesseront. Leur tromperie attire la rigo. Go, go, eh, go, oh, oh, go, zéro. Tous ces gigolos, zigoto, rigolo, n'amour zéro. Ne mérite aucune estime, ils ne méritent que la peine du poteau. Et oh, la dose est-elle au niveau où doublons la dose au séchant. Le cerveau, sa vibre de spirit, oh. Les cordes vocales au dénigre, le flow, les mots se mêlent en VO. Ok, voilà le groupe en démo. Simple funky, simple funky. Simple funky, let's keep funky. Simple funky, simple funky, let's keep funky. Simple funky, simple funky. Simple funky, let's keep funky. Simple funky, simple funky, let's keep funky. Ha ha, s'adresse aux adeptes du funk, aux adeptes du rap, aux adeptes de maze, aux adeptes de combat. Et ce pour qu'il les restoirs ont un profil de combat, se rendre en soirée en oubliant l'objectif premier, c'est d'avoir du non-respect pour les danseurs en effet, car il faut que la fête reste dans les têtes. Et me voilà dans un état plus que serein. Une fois n'est pas coutume à moi de corriger le malsain. Tous les matins au champ du soin, soin. Le remerciement va le soi. C'est pour qui, c'est pourquoi, c'est pour toi, c'est pour lui, c'est pour ça. Muchas gracias, merci. La langue devant cul, dans le cul, mais l'esprit de mauvais cul. Où est l'utilité de prêter attention à de tels individus? Vous le savez où? Vous l'avez su? Vous le savez où? Vous l'avez su? Le tout est de tirer profit de telle expérience et par chance de ne plus côtoyer à nouveau le fruit de telle semence. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement funky, so funky. Simple funky, simple funky, simple funky, let's get funky. Simple funky, simple funky, let's get funky. Simple funky, simple funky, simple funky, let's get funky. Simple funky, simple funky, let's get funky. Simple funky, simple funky, simple funky, let's get funky. Allez, Rancel, du bon souvenir à l'ancienne, avec un DJ que j'adore et que j'ai bossé avec, et ça me fait plaisir de le retrouver. Je voulais lui faire un petit clin d'œil à Avicii avec Levels sur Radar Rancel. Et ça m'a fait vraiment plaisir de recevoir Alexis Grus en direct avec Tiada dans les studios de la radio à 18h. Heureux d'être avec vous, c'est Funky dans la radio. 18h03 sur un arc-en-ciel, un petit clin d'œil au DJ Avicii Levels. Retrouvez-les, c'est Francky dans la radio. Bah ouais, demain, attention, hein, couvrez-vous, il va faire froid demain matin. 2 petits degrés au lever du jour, on va pas dépasser les 8 degrés l'après-midi. Et le ciel sera chargé et pluvieux. Des souvenirs sur un arc-en-ciel, on est en direct 18h05. L'After Job avec Francky le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis on est avec Laurent, téléphone normalement Laurent en direct de Châteauroux, la COP régionale Centre-Val de Loire. Bonjour Laurent. Tu m'entends? Allô? Normalement, on devrait m'entendre Laurent. Est-ce que tu m'entends Laurent? Bon, on va le retrouver dans 3 minutes, juste après, avant de tout, là, en direct sur l'arc-en-ciel. 18h06. Muchacho, acompáñame. This song is for you, wherever you are. Esto es Allez, on s'est à 18h09, l'heure de vous retrouver. Si vous sortez du boulot, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon début de soirée. Et la météo pour demain, mauvaise nouvelle. Hein. La météo. Demain, malheureusement, au lever du jour, de la pluie, encore de la pluie, ça va perdurer tout au long de la semaine jusqu'au moins, dimanche. Donc si vous avez préparé un barbecue ce week-end, c'est mort. Hein. Les températures au lever du jour, ça caille 1-2 degrés, on ne dépassera pas les 8 degrés comme je vous le disais. Le ciel sera nuageux, pas mal de pluie, donc demain, parapluie, kawaii, tout ce qu'il y a. On vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi, 18h09, si vous sortez du job là, et ben voilà, c'est l'after job avec Frankie, jusqu'à 19h. Le son de l'Espagne qui arrive avec Baby Car, Roma in Bangkok. Importas tú no la ropa que llevas puesta. Ayer el cielo estaba gris y llorando, y ahora que el sol es nuestro estamos bailando. Quiero una música que me recuerda al África, que todo el mundo de repente cambie página. Enamorarse con la luna en los mares, volar sin señales y sin importarme cuándo, mis alas se van plegando. Te seguiré hasta el fin del mundo, no perderé un segundo. Volaré por ti de mi lado. Olvida tu trabajo al menos por un poco. La vida cuesta menos si nos vamos a Bangkok, donde la metrópoli encuentra el trópico. Entre la gente parecemos casi microscópicos. Dale más fuerte así que el corazón me late. Quiero un volumen que me mate. No voy a parar, voy a seguir toda la noche. Esta vida es sin derroche. Y sin importarme cuándo, mis alas se van pegando. Te seguiré hasta el fin del mundo. No perderé un segundo. Volaré por ti de mí. Siento el fin que te voy a encontrar. Que se corta la distancia entre tú y yo. Que podremos juntos estar al fin los dos. Y sin importarme cuándo. Allez, on s'est avec Baby K, Roma and Bangkok, 18h12. L'After Job, avec Francky, le mardi, de 17h à 19h, sur Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Et le marché de Noël, on vous en parle ce week-end, c'est du côté de Orme, ça va se passer au Mile de la Poule Blanche, samedi 14 décembre, à partir de 17h30, hein, vous allez retrouver la distribution de chocolat de Noël pour les enfants, vente de tartiflettes géantes, il y aura plein de choses avec les blouses roses qui seront là, l'animation Clap Clown seront là aussi, par la compagnie Horacrum, donc un beau spectacle à ne pas rater, c'est ce samedi, ça se passe à Orme, je vous rappelle, à 17h30, le marché de Noël nocturne, voilà, des bons plans sur la cancelle avec Jimmy Cassel qui arrive sur votre radio couleur. Te vois danser, mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. stress te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. C'est le soleil brûlant de l'océan Indien. On dirait que c'était un été indien. Tu as surgi comme une fée. Tu l'as enjoué comme ma princesse. Winga mon apita, hello. Winga mon amona, hello. Vas-y, cola, pansi. Balibé, mon tueso. J'ai envie de te voir réveiller. Et tes stress te voir danser. Mon bébé, sois le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller. Et tes stress te voir danser. Mon bébé, sois le sable doré, ton corps enlacé. Je suis venu sur une plage étoilée. Je t'observais danser. L'air détaché, mes yeux brillaient sur ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller. Et tes stress te voir danser. Mon bébé, sois le sable doré, ton corps enlacé. J'ai envie de te voir réveiller. Et tes stress te voir danser. Mon bébé, sois le sable doré, ton corps enlacé. Au petit matin, tu t'es enfui. Sans faire de bruit. Un simple mot me laissant incompris. J'ai envie de te voir réveiller. Et tes stress te voir danser. Mon bébé, sur le sable doré, ton corps enlacé. Jimmy Gazelle sur l'arc-en-ciel avec Kaini Lelele. Ça fait du bien de vous retrouver, franchement, à 18h16. Du son latino, la fiesta de Bella Maluma sur l'arc-en-ciel. Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle. Y yo bebiendo como loco cerveza con unos parceros dañándome la cabeza. Borracho con el corazón malo, caminando solo me la encontré a ella. Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, caí en las garras de ella. Maluma, baby, me cogiste en un momento de debilidad. Yo jurándome que nunca más te iba a tocar. Todo por culpa de esas malditas cervezas. Con esos labios enfrente que no te besa. Porque no fui capaz de mismo darle stop. En el ranking de mi culo siempre fuiste el top. Nos cagamos los dos solos en la relación. Lo dejamos solo loco así sin protección. Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza. Eres mi debilidad, me encanta cuando te pones nesa. Era demasiado tarde y yo con los tragos en la cabeza. Eres mi debilidad, a ti nadie te endereza. Mujer tan bella, yo con una botella me de enredar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella. Maluma, baby. Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste. Ay, baby, me dañaste el corazón. Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Ay, baby, me dañaste el corazón. Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor. Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle. Y yo bebiendo como loco cerveza, con unos parceros dañándome la cabeza. Mujer tan bella, yo con una botella me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella. Mujer tan bella, yo con una botella. Alors, c'est l'heure de vous retrouver, c'est Francky dans la radio avec du soleil. Et puis là, je viens d'apprendre une triste nouvelle qui vient de tomber sur le Parisien. Marie-Fred Drixon, qui se battait contre le cancer depuis 17 ans, est décédée malheureusement. La chanteuse de Roxette, bah ouais, Listen to Your Heart, rappelez-vous, eh bien, elle vient de nous quitter malheureusement. Voilà, rip Marie, on voulait lui faire un petit clin d'œil juste après. Passo, puis je vous le disais il y a moins de 2 minutes, hein, la chanteuse de Roxette qui vient de partir après avoir lutté 17 ans contre un cancer. Marie Fredrickson nous a quitté malheureusement. Ouais, on voulait lui faire un petit clin d'œil avec ce tube. Ah, j'ai un pincement au cœur. Voici Roxette sur Radar Ancien. The sound of silence. Je viens de tomber des nuls là, quand je viens d'apprendre le décès de Marie Fredriksson, la chanteuse de Roxette. C'est la bande originale du film Pretty Woman. Ouais, un petit clin d'œil, hein, elle avait 61 ans, à lutter contre la maladie, le cancer. Sale maladie, bah ouais. On voulait faire un petit clin d'œil qu'on écoutera juste avant 19h tout à l'heure. La bicyclette qui arrive, et c'est Shakira sur l'arc-en-ciel. Pasado. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Así que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona. Se mueve su cabeza como un barco en la sola. Tiene los pies descalzos como un niño que adora. Y sus cabellos largos son un sol que te antoja. Le gusta que le digan que la niña la Lola. Le gusta que la miren cuando ella baila sola. Le gusta más la casa que no pasen las horas. Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona. Llévame en tu bicicleta. Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esta zona. Desde Santa Marta hasta la Arenosa. Pa' que juguemos por la tapa y en chancleta. Que se te que alguna le muestras en Tayrona. Después no querrás ir pa' Barcelona. A mi manera, descomplicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Allez, en ciel, ça fait bon les meilleurs souvenirs comme ça avec Carlos Vives, Shakira, la bicicleta. Là, vous êtes peut-être en voiture, vous rentrez du boulot, de réunion, ah, vous avez mal à la tête, et bien on a plein de soleil pour vous. Voici Ozuna, l'exclusivité Radio Arc-en-Ciel. Tu te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá, diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va. Tú te la pasas de aquí pa' allá. De allá pa' acá. Que pase un labio, yo no vuelvo más. Tú me dices que no me deseas más. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina llega? No te tengo. Pero no te quiero buscar. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina llega? No te tengo. Pero no te quiero buscar. ¿Qué va? Dime, bebé, ¿qué fue? Sé que te estoy esperando que te busque, pero yo no soy más como tú te crees. Viene otra igual la quiero. No creas que por tu amor yo me muero. Veo el mundo por si algún día la veo. Claro, baby, yo sé que tú estuviste pa' mí, pero confíate en que mi corazón era pa' ti. Yo solo decidí olvidarte, pero te juro que si tú me llamas algo conmigo. diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va. Tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá para acá. Que paso el labio, yo no vuelvo más. Tú me dices que no me deseas más, que va. Que va, que va, que va, que va. Que vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar. Que va, y yo me iré después de tenerte otra vez. Con esto no me quedaré, un último chance, pasión y romance. Sigo esperando que el teléfono suene. Nadie tiene esa malicia que tú tienes. Estar lejos de ti, mami, no me conviene. Y si me llama, yo te juro que salgo corriendo para ahogarme en tus besos. Me está matando el silencio. Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos, que va. Tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá para acá. Que paso un labio, yo no vuelvo más. Tú me dices que no me deseas más, que va. Que va, que va, que va, que va. Que vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar. Que va, que va, que va, que va. Que va. Ozuna, Ozuna, Keba, Keba, ça c'est l'exclure à l'heure française, ça sonne bon, hein, du soleil, ça vous fait du bien, ça vous redonne le smile, le moral à 18h33, vous qui sortez du job là, fatigué, éreinté, ben voilà, du soleil toujours sur l'arc-en-ciel, votre radio couleur, on est en direct tous les jours. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Pour rejoindre la radio, appelle le 02 38 48 00. Podemos controlar y darte toda la noche. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Radio Arc-en-Ciel, 18h36, le son latino, El Reggaeton, Nicky Jam, et forcément dans les années 2000, on a fait la fête là-dessus, façon sexe. Vous rappelez les Tribal Kings, ils avaient cartonné, hein, les ados étaient fans de ce groupe. Voici le remix de Frankie. M'a mis à faire bouger sans tabou, sans pression ni relâche jusqu'au bout. Vous partagez ma passion, cela vous donne des risques. J'innove le maximum sur cette piste, allons jusqu'au moment où j'insiste. Efface toutes les tensions, ce soir c'était sur la fond. Quand je prends le mic, je m'enflamme, je vous sens bien hot, mesdames. C'est ça que je veux mettre le feu. J'en la chaleur qui s'installe, certains talents se dévoilent. J'ai mieux en mieux. Everybody girls, they move a body in a party. Sit back, relax, on the floor with my bow. When I get the legs, get it low. I'm 24-6, everybody sexy. Think about it, girls, they move a body in a party. Now throw that thing from the side to side. Throw that thing from the side to side. Dans la voiture, vous dites, ah ouais, je me souviens de ça, on a bougé là-dessus en club, façon sexe, les Tribal Kim, 18h40, minutes, dans 20 minutes, c'est le son rock qui arrive, avec Christophe, et ouais, Electric Shock, et puis du son Caliente, et le son Megamix. L'After Job, avec Francky, le mardi, de 17h à 19h, sur Arc-en-Ciel, 96.2 FM. Ah là, forcément, vous sortez les lunettes de soleil, vous sortez les palmiers. Bah ouais, histoire de se rappeler quelques bons souvenirs de vacances, avec Zumba, le remix, DJ Mams, Crazy Picture, ça s'encale, l'IMT, belle fin d'après-midi, bon début de soirée sur Arc-en-Ciel, 18h40. Ça y est, on sort du boulot et on lâche la chemise, voilà. Dans la chambre, pas tout de suite, hein, tout à l'heure peut-être, avec Nikki, hein, bon, Maria Fernanda qui nous écoute. Salut Maria, j'espère que tu vas bien. Et puis du soir avec Gims sur l'arc-en-ciel. Bon début de soirée, Miami. Ces voix tout près de moi qui chuchotent dans mon crâne. Le temps qui passe, les visages fanent, mais je reste imperméable. Je fonce dans le tas, je mets les pleins phares. Dans le feu de l'action, j'attrape mon arme, une balle s'échappe. ses chemins. Trop tard maintenant que je suis dans le mal. J'allume ma clope au volant de cette spirale infernale. J'ai fait ce qu'il fallait, même si tout ça me torture l'esprit. J'assume mes erreurs, j'ai la conscience au bout du fil. Ma tête est ailleurs, me parle pas de savoir vivre. Je suis la preuve vivante que la vie ne tient qu'un fil. J'ai fait ce qu'il fallait. Souvent ça finit mal, difficile de voir des larmes à travers les flammes. Gloire pouvoir voter, souvent ça finit mal, difficile de voir des larmes à travers les flammes. Mon âme à la dérive, l'impression d'être libre. Dans mes yeux tu peux lire, je reste ferme et solide. Encore une fois, je creuse les cartes. Encore une fois, y'a pas de bluff, je joue carte sur table. J'entends ces voix tout près de moi qui chuchotent dans mon crâne. Le temps qui passe, les visages fanent, mais je reste imperméable. Je fonce dans le tas, je mets les pleins pas. Dans le feu de l'action, j'attrape mon arme, une balle s'échappe. Je peux plus repousser chemin, trop tard maintenant que je suis dans le mal. J'allume ma clope au volant de cette spirale infernale. J'ai fait ce qu'il fallait, même si tout ça me torture l'esprit. J'assume mes erreurs, j'ai la conscience au bout du fil. Ma tête est ailleurs, me parle pas de savoir vivre. Je suis la preuve vivante que la vie ne tient qu'un fil. J'ai fait ce qu'il fallait. Gims, Miami, sur l'arc-en-ciel, 18h50, heureux d'être avec vous. La météo pour demain, avec un chat dans la gorge. La météo. Eh bien, demain, malheureusement, le ciel sera gris, nuageux et pluvieux. Eh ouais. Et ça, toute la semaine quasiment. J'ai regardé jusqu'au moins dimanche, lundi. Hein. Les températures, 2 petits degrés au lever du jour, ça caille. On dépassera pas, je me suis cogné dans le micro, on dépassera pas les 8 degrés. Donc demain, couvrez-vous, kawé, tout ce qui va bien. Et voilà, donc n'oubliez pas, on fera un petit hommage à Marie Fredriksson qui nous a quitté, la chanteuse de Roxette, juste avant 19h. Et là, je suis un peu ému quand même. Hein. C'est un peu ma jeunesse aussi, hein. Je te promets, ça arrive. C'est les Gypsy of the Family qui arrivent. Baiser de ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets ma vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours doubles comme tes peines. te promets des nuits rouges comme tes rêves, des heures incandescentes et des minutes blanches, des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour te porter à poids, je te promets mes mains pour que tu les embrasses, je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir, je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil, j'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres, j'ai tant besoin d'y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait, si les mots sont usés, écrits comme à la craie, on fait bien des grands feux en frottant des cailloux. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et même si c'est pas vrai, même si je mens, si les mots sont usés, légers comme du vent, et même si notre histoire se termine en mode, je te promets mon monde bien vrai de douceur, pas toute la nuit mais quelques heures. Le sel au baiser de ma bouche. Il y a toute la famille là, Chico and the Gypsy qui reprennent merveille. Johnny, Jojo, je te promets, mardi aujourd'hui jusqu'à 19h, c'est Francky. L'After Job avec Francky, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Et puis la nouvelle qui vient de tomber, elle nous a quitté malheureusement, la chanteuse suédoise Fredriksson qui a parcouru le groupe Roxette. Ouais, rappelez-vous, Roxette, la bande originale de Pretty Woman notamment, eh bien, elle luttait depuis une douzaine d'années contre cette maladie, le cancer. Elle est partie aujourd'hui, on voulait lui faire un petit clin d'œil ce soir sur Arc-en-Ciel, juste avant de retrouver Christophe, la bande originale de Pretty Woman sur Arc-en-Ciel. On vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon début de soirée. Un petit clin d'œil à Fredriksson, Roxette sur Arc-en-Ciel. Play it with fire. RIP, Marie, hein, 62 ans, elle luttait contre le cancer hein, depuis une dizaine d'années. Ah ouais, ouais, on a passé des bons moments sur ce slow hein, de Roxette. Voilà, on voulait lui faire un petit clin d'œil ce soir. L'After Job avec Frankie, le mardi de 17h à 19h sur Arc-en-Ciel 96.2 FM. Le lundi 16h-18h, le mardi 17h-19h et puis lundi prochain il sera mon invité, un personnage bien connu sur Orléans, Michel Ricou, défendeur de la source, sera dans les studios de la radio. Ça fait 40 ans qu'il défend la source et bien il sera notre invité lundi prochain à partir de 17h. Ça sera en direct sur Arc-en-Ciel. On a été heureux d'accueillir aujourd'hui le cirque Alexis Grus, hein, un sacré personnage. Tillian aussi, le chanteur qui fait les premières de Monsieur Loyal. En tout cas, moi je vous retrouve eh bien lundi prochain avec Michel Ricou, notre invité dans les studios de la radio. Ça va être du très très lourd. Portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de Noël. Si vous n'écoutez pas la radio jusqu'à Noël, eh bien je vous laisse avec Christophe, le son qui va sonner rock. Voici Electric Shock sur l'arc-en-ciel et ça démarre tout de suite en direct. Voici Christophe, Electric Shock. Bonne soirée à tous.